La troisième édition de l'exposé technoscientifique et du cours sur la technique du domaine de production de champignons de tout le pays a eu lieu le 20 courant à la ville de Salyon, province du Fang et du Nord, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont pris part les scientifiques, techniciens, chercheurs, cadres et champignonistes d'une vingtaine d'unités d'activité, y compris l'Institut central de champignons près l'Académie nationale des sciences.